On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Même en plein dimanche, on s'adapte à l'horaire de Bruno pour être avec parce que c'est tellement le fun de parler de baseball. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, une nouvelle qui est sortie hier, puis moi c'est la suite des choses que j'ai hâte de voir. Andy Green des Padres de San Diego a été congédié. Écoute, les Padres, on ne s'attendait pas à de grandes choses, mais ils ont un bon réseau de filiales, ça va débloquer à un moment donné. Mais là, la suite des choses, c'est Moisés Alou, l'ancien des Expos, le fils de Felipe, qui serait un candidat très, très sérieux comme gérant des Padres de San Diego. Oui, puis je trouve ça intéressant de voir le nom de Moisés Alou dans les conversations. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a de la génétique là-dedans. Autant qu'il était un bon joueur, un peu comme Felipe, autant qu'il pourrait, je pense, faire un bon gérant, surtout avec les jeunes joueurs dans l'organisation du côté des Padres. C'est sûr, par contre, qu'il y a quand même une déception, même si on ne s'attendait pas à des grandes choses. Je pense qu'on s'attendait peut-être à un meilleur début de l'ère Manny Machado. Sans dire nécessairement qu'il y a eu une mauvaise saison ou que l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Je pense qu'il y a des belles choses. Fernando Tatis, avant de se blesser, a connu une saison d'éclosion, une très, très bonne saison. Chris Paddock comme lanceur partant. Il y a des bonnes pièces pour continuer le développement, mais je pense qu'on s'attendait un petit peu plus en termes de performance d'équipe. Puis c'est pour ça que le gérant il a fini par ultimement payer le prix. Et le nom de Moisés Alou, écoute, j'ai pas trop son pedigree sur... Il a jamais géré, c'est ça le problème, c'est qu'il a jamais géré. C'est Felipe, tu sais, il avait passé sa carrière dans le baseball mineur, mais là, Moisés, on le voyait plus comme un gestionnaire de baseball, non comme un gérant. J'ai hâte de voir si à la fin de la journée, si ça va nuire, ça. Oui, ou peut-être même un instructeur. Ouais. Mais bon, quand on regarde le succès qu'ont connu là, les premiers gérants ou les plus jeunes gérants au cours des dernières années, on peut quand même se dire Aaron que Boone. C'est ça, c'est dans la vague un peu là, de ce qu'on voit un peu partout. Mais bon, c'est sûr qu'il n'hérite pas de la même équipe que Boone avait. Quoi qu'encore cette année, quand tu regardes avec la quantité de blessés que les Yankees ont eu, oui, ils développent bien puis ils ont un bon réseau de filiales. Il faut donner de gros crédits à Brian Cashman, mais Aaron Boone fait un travail remarquable aussi dans l'abri. Donc, bien hâte de suivre ce dossier-là. Mais les Padres, c'est quand même une belle place à hériter là, pour commencer parce que, comme on a dit, il y a quand même des jeunes qui percent, quand même un paquet de jeunes qui arrivent et les attentes sont quand même pas encore élevées parce qu'on sent que cette équipe-là reste peut-être un ou deux ans avant qu'elle soit maturité. J'ai hâte de voir. Les autres candidats que j'ai vus selon NMB.com, il y aurait Joe Girardi. Moi, ça m'étonnerait que Joe Girardi, hier à San Diego, il est à NMB Network actuellement. Je pense qu'il fait un bon job. Bruce Bochy, qui a annoncé sa retraite, qui a obtenu sa 2000e victoire, qui serait un candidat. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Puis il y a un gérant également de la filiale des Padres. Donc, Moisés, quand on regarde tout ça, il est quand même très, très bien placé. Oui, et puis quand on parle de Joe Girardi, je me souviens, lorsqu'il a quitté les Yankees, il était un candidat sérieux à l'époque pour les Cubs de Chicago. Puis on va revenir dans quelques minutes, mais les jours de Joe Maddon sont probablement comptés à Chicago. Alors peut-être que son nom va faire surface de ce côté. Tu parles de Joe Maddon, et on va y arriver avec les Cubs. Est-ce que c'est une déception? Ben écoute, moi je suis un partisan des Cubs, c'est un sujet que je voulais t'amener aujourd'hui. Ouais. Cet été, quand on avait parlé, je t'avais dit, écoute, Craig Kimbrell, moi, j'y crois pas. Je pense que les Cubs ont paniqué. On l'a signé pour plusieurs années. On l'a vu l'an passé connaître des ennuis en série. Et même chose pour Yu Darvish. Quand je regarde le 2 ans contre les Astros, entre autres, et les Cubs ont été signés, ces joueurs-là, c'est comme si on avait besoin. Ça montre aussi que c'est pas toujours l'argent qui achète des championnats. Là. Ils ont signé ces joueurs-là. Darvish s'est replacé cette année, mais ça a quand même été difficile. Et surtout dans le cas de Kimbrell, qui, encore une fois, hier a saboté l'avance en 9e. Et quand tu regardes ça, ben est-ce que c'est une déception? Je pense que oui, parce que si tu regardes un peu autour, bon, Javier Baez est blessé, n'est pas revenu, mais quand tu regardes les autres un peu, bon, Rizzo a manqué du temps aussi, mais c'est pas juste les blessures. Là. Des gars comme Chris Bryant et tout ça, ils ont tous pris un pas en arrière depuis que les Cubs ont gagné la Série mondiale. Je pense qu'avec ce noyau de joueurs-là, on aurait pu s'attendre à peut-être pas deux Séries mondiales, mais au moins une autre participation à la Série mondiale que celle de 2016. Donc, sans dire que c'est une grande déception, je pense que c'est quand même une déception. Puis dans le cas de Maddon, on voit qu'il y a vraiment là un disconnect un peu avec la haute direction de l'équipe. Et il y aura des changements qui vont s'en venir à Chicago. Puis je dis ça, ils ont encore une chance mathématique de faire les séries, mais avec une semaine à faire, trois matchs derrière là, les Brewers pour le meilleur deuxième, à moins d'un gros revirement de situation, là, Chicago va encore une fois passer proche. Et l'an passé, on se souvient, ils ont perdu le match de bris d'égalité avec les Brewers pour perdre le championnat de division. à domicile. Ensuite, ils rejouent à domicile le match du meilleur deuxième. Ils perdent contre les Rockies du Colorado. J'ai comme l'impression que ce genre de défaite-là, puis encore deux défaites en ligne contre les Cards par un point, c'est tous ces matchs-là que depuis deux ans, les Cubs ne gagnent plus. Puis je pense qu'à un moment donné, la haute direction va se tanner. Moi, je me rappelle quand Madden a quitté les Rays, on disait que c'est la fin des Rays. Hein. Et là, Kevin Cash, qui est un des bons gérants du baseball majeur, a pris la relève. Donc, je me dis, c'est le système. C'est le système et non nécessairement le gérant. Est-ce que Madden est un gérant surévalué? C'est ça, ta question est bonne. Je n'irai pas jusqu'à dire surévalué parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes capacités de gestion de l'enclos, entre autres, qui n'ont jamais été mises en doute. Sauf que ça reste qu'en bout de ligne, on voit que de plus en plus, la construction de l'équipe fait foi de tout. Après ça, c'est comment tu communiques avec les joueurs. Puis ça aussi, Madden, peut-être que son message il passe déjà un petit peu moins bien du côté de Chicago quand tu as plus de vedettes. C'est facile quand les joueurs, ça roule beaucoup puis c'est tous des jeunes qui progressent. Peut-être qu'il y a plus de facilité qu'avec des joueurs établis. Comme on retrouve plus du côté des Cubs. Donc, peut-être que c'est sur cet aspect-là. Mais tu as mentionné Kevin Cash, super travail avec les Rays, mais on voit que c'est vraiment le développement et la mentalité de l'équipe qui fait plus foi de tout que le gérant uniquement là, avec Tampa Bay. Il y a encore, tu sais, je suis les rapports des ligues mineures, puis il y a encore cette semaine, Baseball America a sorti leur réseau des filiales. Qui a le meilleur réseau des filiales? Et qui a le meilleur réseau des filiales encore avec son numéro un, les Rays de Tampa Bay? Sont incroyables. M'a dit une affaire, là. On va en parler tantôt des Rays, mais s'ils aboutissent à Montréal, tu changes rien, là. Tu changes rien, tu signes je pense que leur gros joueur, c'est leur dépisteur, c'est leur réseau de développement. Ils sont incroyables, en tout cas. Ouais, comme les expos ont déjà fait à l'époque. Ouais, effectivement. Bon, on va y aller avec, tu voulais parler des courses actuellement, donc on va y aller rapidement. Dans l'Est, on n'en parlera pas, c'est décidé, dans l'Est américaine, les Yankees, les Red Sox officiellement éliminés hier. Dans Central, je veux te parler des Twins du Minnesota. 5 ou 6 frappeurs de 30 circuits, je pense que c'est 6 frappeurs. 6. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles de ces années-là, les Twins, t'avais toute qu'une machine. Tom Brunensky, Kenner Beck, Gary Gaetti, Kirby Puckett. On disait que c'était toute qu'une attaque, mais je pense qu'ils ont une meilleure attaque que dans ce temps-là. C'est sûr que tu peux pas comparer parce que dans le temps, ils jouaient au métadrome où la balle voyageait, mais c'est incroyable, les Twins. C'est une équipe qu'on n'a pas parlé assez beaucoup. On n'a pas parlé, hein? Non, puis, tu sais, dans le fond, la division est presque gagnée avec 4 matchs d'avance sur Cleveland. Et c'est une équipe qu'on attendait depuis un an ou deux. Là, finalement, c'est cette année que ça clique. Mais, tu sais, dans les équipes qui ont profité possiblement de la fameuse balle là, qu'on dit cette année qui est de plus en plus... moins de friction. Tout ce qu'on a discuté cette année, ça, c'est une équipe qui peut en profiter. Évidemment, toutes les équipes en profitent. C'est la même balle pour tout le monde. Mais c'est une équipe qui est vraiment beaucoup axée sur la puissance. Pas beaucoup de moyenne au bâton. Mais quand la balle, on la met en jeu, elle va souvent dehors du stand. Très impressionnant ce que les Twins ont fait et très en dessous du radar. Et malheureusement pour eux, la seule déception, c'était un partisan des Twins, c'est qu'ils s'enlignent encore pour jouer contre les Yankees en série de division. Puis si on prend son 15 dernières années, à chaque fois que les Twins et les Yankees ont croisé le fer en série, les Yankees ont toujours trouvé le moyen d'avoir le dessus. Donc, les partisans des Twins doivent, je dirais, pas encore New York en partant, déjà que les Yankees ont toute la saison trouvé le moyen de gagner. Je n'irai pas parier contre eux en série, mais ça promet parce que c'est deux équipes qui frappent la balle là, avec beaucoup de puissance. Dans l'Ouest, l'Américaine, c'est décidé, les Astros de Houston sont là, 7 matchs devant les Aces d'Oakland. Et là, on va y aller dans le wildcard, c'est là que ça va décider. Wildcard du côté de l'Américaine, donc Oakland en avant, 2 matchs devant les Rays de Tampa Bay. Les Rays qui ont un match d'avance sur Cleveland. Donc on décide évidemment un match pour le meilleur troisième, le troisième contre le deuxième entre Cleveland et Tampa, c'est ça? Non, ça serait Oakland contre Tampa Bay. Oui, effectivement, contre Tampa Bay. Pour rentrer en série. Et c'est ce qui est drôle, Dan, c'est que toute l'année, on a parlé des Rays tantôt, mais on dit toujours les deux plus pires organisations américaines, les petits budgets, petits marchés, il n'y a pas de monde. Oakland, Tampa Bay pourrait se ramasser dans le match du meilleur deuxième. Et tu as parlé des Red Sox tantôt, encore une fois, donc ça remonte à 2000, la dernière fois où au baseball majeur, une équipe a gagné 2 années de suite le championnat. Alors qu'on parle de parité, là, des fois on va dire, c'est souvent les mêmes équipes en série, mais c'est arrivé plusieurs fois au hockey, puis dans la NFL entre autres, et même au basketball depuis les 20 dernières années. Mais au baseball, aucune équipe n'a réussi à répéter depuis 20 ans. C'est les Yankees de New York là, de la fin des années 90, les derniers. Donc, c'est pas facile de répéter parce qu'on se rend compte qu'il y a plus qu'un modèle qui marche. On prend Tampa Bay, on prend Oakland. On repêche bien dans les deux cas. on n'a pas beaucoup de budget, mais on fabrique des équipes qui sont cohérentes, je vais le dire comme ça, là, où tout fait du sens d'un bout à l'autre, et ça donne des équipes qui performent. Je vais t'ouvrir une parenthèse ici. Je n'avais parlé avec Jacques quand c'est arrivé. Dave Dombrowski, congédié, est-ce que ça t'a surpris, toi? Ben, ça m'a pas surpris, parce que quand on lit un peu plus autour de l'équipe, puis tu sais, moi, les Red Sox, c'est pas nécessairement mon équipe, tu connais, c'est Boston, c'est pas vraiment mon marché de sport favori, mais je m'intéresse quand même beaucoup à ce qui se passe du côté des Red Sox et des Yankees, évidemment, les plus gros marchés qui reviennent souvent dans l'actualité, et ça se sentait, là, même l'an passé, quand ils ont gagné, tu pouvais lire des choses sur le disconnect entre l'état-major, les joueurs, le gérant, tout ça, donc ça n'avait pas l'air facile. Et Dombrowski avait été critiqué un peu aussi ailleurs quand il a gagné avec les Marlins, entre autres. On disait, oui, il gagne, mais il vide les équipes. Là, à Boston, on dit, ouais, c'est bien beau, on a gagné, mais il a vidé l'équipe. Moi, je me dis, bon, le but ultime, c'est de gagner, puis après ça, on vit avec le reste. Mais c'est comme un peu en 2013, hein, les Red Sox ont gagné en deux années difficiles, puis ça se pourrait que ce soit encore le cas. Mookie Betts, on n'est pas sûr qu'il va revenir. Donc, je pense qu'on a voulu peut-être changer un peu la donne. Donc, j'ai pas été tant surpris qu'il quitte. Mais ça reste un bonhomme de baseball qu'on a laissé aller pour une mauvaise saison. Je le prendrais à Toronto à la place de Mark Shapiro, on va dire. Je le prendrais anytime à la place de Toronto, mais je pense qu'on va continuer là-dedans. Donc, maintenant, on va y aller du côté maintenant de la nationale, du côté de la nationale, évidemment. Dans l'Est, j'ai de la misère avec mon... ce sera pas long avec mon ordinateur. Oui. Dans Atlanta qui t'a fait tout seul. 9 matchs et demi devant les Nationals de Washington. Et par la suite, les Mets qui ont eu une deuxième moitié de saison atroce depuis l'arrivée de Marcus Stroman. Donc, dans l'Est, c'est réglé. Central, les Cubs et les Cards sont premiers. Milwaukee, deuxième à 5 matchs. Et les Cubs sont à... plutôt 3 matchs et les Cubs sont à 6 matchs. Donc, eux autres, je pense qu'on se dirige vers un wildcard entre les Cubs et les Brewers. En fait, quand on regarde au niveau du wildcard, il y a les Nationals là, qui sont vraiment... Oui, parce que dans l'Ouest, les Dodgers se sont vus que la division il y a quelques semaines déjà. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est les Nationals. Moi, je pense que peu importe qui va arriver derrière, les Brewers, ils ont beaucoup de problèmes avec les lanceurs partant. Christian Yelich est blessé pour le reste de la saison. Donc, les Nationals pourraient être dangereux. Hein. S'ils réussissent à se faufiler dans les séries, oui, Atlanta a gagné la division par 8 ou 9 matchs, mais dans une série 3-5 entre les deux équipes, par exemple, ça serait sûrement les Dodgers qu'ils affronteraient. Là, mais quand même, Stephen Strasburg, Max Scherzer, Anthony Rendon, qui a toute une saison. Ouais. Donc, ils ne s'ennuient pas trop de Bryce Harper du côté des Nationals. Et ça pourrait les amener avec un peu moins de pression là, dans une série courte. Là. Ça va être une équipe qui était surveillée malgré que l'enclos en arrache. Et pour le reste, ben, on en a parlé plusieurs fois, on aime bien tous les deux la composition des Braves avec Alex Antopoulos. Donc, on va suivre les Braves. J'ai bien hâte de voir. Là, ça s'enligne que les Braves affronteraient les Cards de Saint-Louis pendant que les Dodgers, eux, accueilleraient le meilleur deuxième. Et ça risque fort probablement de se finir comme ça. Bien hâte de voir les Braves dans les séries. J'ai regardé jouer en fin de semaine. Impressionnant de la vitesse. George Donaldson a retrouvé le plaisir de jouer au baseball. C'est une équipe qui va être excessivement dangereuse et intéressante à regarder. C'est la clé. C'est la clé. Moi, j'écoute beaucoup parce que je suis abonné à l'MBX Training. Là. Après les Blue Jays, c'est l'équipe que je suis. Pas parce que j'aime les Braves, parce que j'aime Alex. Fait que puis c'est intéressant de voir cette organisation-là. Quel coup. J'ai hâte de voir que ça va finir avec Donaldson parce que lui a un contrat d'un an. J'ai hâte de voir quelle sorte de contrat qu'il va aller chercher à la fin de l'année. On va parler en terminant des Rays de Tampa Bay. Les Rays qui, écoute, sont actuellement contre les Red Sox de Boston à Tampa. Et comme une fois, les assistances sont très, très décevantes. Je regardais vendredi soir 17 000, hier 18 000. Et là, tu sais, vendredi soir du mois de mai, du mois de juin, ça peut passer. Mais vendredi soir, fin septembre, tu es en pleine course au championnat. C'est les Red Sox de Boston qui est une équipe mythique qui sont en ville. Hey, ça va vraiment pas bien. Puis, est-ce que tu penses que Frédéric Degg, j'y parle off the record souvent, dehors des ondes, puis lui a encore espoir qu'après le match du meilleur deuxième, qu'il y ait de quoi que si les Rays sont pas insérés, qu'on ait une annonce. Toi, tu y crois-tu encore? Moi, je pense que ça va. Pour cette année, peut-être pas. Peut-être plus l'an prochain. Écoute, on est beaucoup dans la spéculation, mais je pense que, tu sais, ça le démontre pareil. Moi, je reviens toujours. Il y a 10 ans, là, en 2009, les Rays ont fait la Série mondiale en 2008 plutôt contre les Phillies. Ça fait en faire 11 ans cette année. Puis dans les séries, on avait de la misère à remplir le stand. C'est pas compliqué. On était en série de championnat contre les Red Sox, puis on avait de la misère à remplir. Écoute, puis on a 17-18 000 qui est une foule encourageante parce que je te garantis qu'en fait, c'est même si c'était pas une course au championnat, c'est pas Boston qui est dans c'est le stade. 12-13 000. C'est 12-13 000 pour un match de course aux séries, là. Ouais. On a 17-18-19 à cause qu'il doit y avoir un 6-7-8 000 partisans des Red Sox du Sud qui vont se présenter au match. Alors, c'est vrai que c'est décevant, mais c'est pas nouveau. C'est redondant. Je pense pas qu'on ait de quoi aller encore chercher. Mais ça le démontre là, au niveau du marché à quel point il y a, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Puis tu sais, on ne vend plus non plus là-bas le produit avec toutes les rumeurs et tout ça. Je pense que c'est rendu comme peine perdue pour ça. Moi, cette année, je pense j'y croirais pas, mais pour l'an prochain, ça regarde de plus en plus pour ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai lu, c'est sûr, c'est les médias sociaux, il faut en apprendre à en laisser, là, mais j'ai lu quelque part que l'histoire du projet là, de garde partagée avec les Expos, là, avec Montréal, ça a tué l'enthousiasme des plus positifs de garder la concession à Tampa Bay. Il n'y a plus rien à faire. Ben, écoute, le comparatif que je vais te donner en terminant, ouais. Là, prends les Expos puis les Expos de Porto Rico. Ouais. Et à partir de ce moment-là, là, dès que les plus belles saisons, les séries pardon, de milieu de saison étaient disputées là-bas, il y a plein de belles séries qu'on avait pu du côté de Montréal. À partir de ce moment-là, déjà que les foules étaient basses, on a observé une autre baisse, puis ça a été démontré avec ce split entre les deux marchés. Donc, c'est vraiment pas surprenant ce que tu mentionnes là. Ouais. Ça fait un sens. Si je suis un partisan des Rays, puis je regarde ça, puis qu'on annonce des choses comme ça qui se présentent, qui se projettent, ben j'ai déjà vu ce scénario-là ailleurs, puis je sais ce qui s'en vient. Donc, ça démontre, comme j'ai dit, le sud de la Floride, regarde à Miami ce qui se passe, ça a été démontré que les années, les gens là-bas s'intéressent au camp d'entraînement au niveau du baseball, même des autres sports. Parce que c'est... Regarde ce qui se passe à Miami et les Dolphins. Parce que c'est touristique au mois de mars aussi. Là. Exactement. T'as beaucoup de snowbirds. Hey, en terminant, je vais en parler cette semaine, ça va être avec Marc que je vais parler de ça. Mais tu es un partisan des Cubs, il y a quelque chose d'inusité, c'est historique qui va se passer cette semaine. WGN, la station des Cubs, oui. Après 72 ans, ils ont diffusé des matchs des Cubs pendant 72 ans, 48 avec les White Sox, il n'y aura plus de baseball, c'est les derniers matchs. C'est quand même quelque chose. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, WGN, les Cubs avaient beaucoup d'argent parce qu'il y avait un contrat avec WGN, la superstation. C'était Harry Carey. Écoute, c'est pas rien, là, cette nouvelle-là, quand tu t'intéresses aux communications puis au baseball, là. Vraiment. Puis quand tu l'as vu, quand tu l'as écrit, je n'avais pas remarqué ça du tout. Puis ça m'a quand même frappé parce que il y a des associations comme ça qui sont faites. Tu sais, pour les plus jeunes, eux vont penser que le Yes Network est toujours été là pour les Yankees, hein, ouais. leur propre réseau. Puis peut-être que eux ils grandissent avec ça. Mais pour quelqu'un d'un peu plus âgé, comme nous, ben le WGN Network, c'est comme ça qu'on a grandi. C'était la voix des Cubs. Ouais. Ça remonte à une époque où les Cubs ne jouaient pas de match à soirée. On se souvient, ouais, à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les matchs. On jouait seulement des matchs de jour à Chicago et tout ça. Donc, Harry Carey, c'est le descripteur. Exactement, le légendaire Harry Carey. Donc, c'est vraiment c'est l'évolution, puis je pense que c'est on n'a pas fini d'avoir au cours des prochaines années ce type d'association-là s'en aller. On en a vu disparaître avec les années, mais ça, c'est dans une des plus mythiques parce que c'est les deux équipes de Chicago là, depuis, comme tu as dit, plus de 60 ans. Ouais, c'est ça, Marquise TV, la station qui va diffuser, c'est un canal payant. Puis ça, je sais que ça fait pas l'affaire des partisans des Cubs. Marquise TV, c'est un petit peu une station payante de Chicago qui va être le nouveau réseau des Cubs. Bruno, on s'en reparle la semaine prochaine? Ou dans deux semaines? Ben, on arrive proche des séries, ouais. Fait qu'on s'en fait signe. OK, Bruno, notre spécialiste de baseball.